Bloqué, tandem, mauvais P, Al, Fort d'Aubervilliers, 2004, Hématome, fallait pas, ouais. Rien à craindre, charcutier, on vient de charcuter, Kamas, Grégoire, ok, un. Si tu l'épouses, c'est pour le meilleur et le pire. Elle peut t'aimer comme te larguer là, face à toi-même, négro. Dans le meilleur des cas, t'auras tes couilles pour te reprendre. Si besoin, l'épaule d'un frère. De toute façon, c'est toujours le même refrain. Les meilleurs man partent les number one. Par contre, c'est con de jeter l'éponge face à son âme. Je te dis pas jeter ton arme face à une armée, mais faut pas t'alarmer. En bref, c'est l'humain, en point c'est tout. Mais si tu l'empoignes, serre-toi-en à bon escient. Car la détonation cause parfois des soucis de conscience. Au passage, sache que le mal commis se paie très cher tôt ou tard. Sauf en cas de légitime défense, on te retrouve dans la défonce. À bouffer ta merde et boire ta pisse. Comme quoi, tu n'es pas love and peace. Malgré la musique, dans ses bas-fonds, beaucoup trop de traces pour éviter que ça coince. Le passé passe, mais forge l'individu. Chacun son vécu, ses souffrances. Je sais pas d'être à ma plage, fréquente trop de sales races. Ramer des caves au panier à salade, on s'amuse avec nos armes. Y'a pas à dire, le jetage se shoot certains. De Paname à la frontière espagnole, on fait du bif, on fuck la Gaule. Ne vois-tu pas ce qu'ils nous ont cédé dans nos actes? Ville illégale, et j'ai les glandes. Car des guignols ils trouvent leur grade. Mon cœur gronde, j'en pleure ma jeunesse. Tandis que l'âge monte dans la baie d'Ave, j'ai honte. Des regrets hantent mon corps d'homme. J'en perds mes sens en métropole. Trop de poulets, tout est simple. Cache bien ta CC si tu veux pas qu'on soulève ton classe C. En temps de guerre, tu sais comment ça se déroule. Ça vient d'Aubert, allez tiens, petit coléreux pour faire sauter le verrou. Même en pleine déroute, on garde les pieds sur terre. Le HIP n'a chopé personne, mon frère. En temps de guerre, tu sais comment ça se déroule. Ça vient d'Aubert, allez tiens, petit coléreux pour faire sauter le verrou. Même en pleine déroute, on garde les pieds sur terre. Le HIP n'a chopé personne, mon frère. Toute évidence, je sais que t'aimerais percer ma carapace ou jouer les barabasses. Ou peut-être que tu veux faire la pute sur un de mes paragraphes, je sais pas. Je me fais pas de film, je m'invente pas de vie. Je suis plus simple qu'une parodie de Kai qui croit qu'il finira sur un pipeline. T'as vu dans ma rue, on est plus calme qu'à l'ancienne, on est trop sans pitié. Des prises de tête futiles nous aveuglent sur la vérité, certes. Je suis peut-être un bon victime et pas une victime. J'étais trop averti pour continuer à être sensible, MC. Je suis trop agité et j'ai trop cogité pour t'affirmer que je m'en bats les couilles, gros. Et ça, c'est bien avant ma mise sous écrou. J'ai cru en la vie et je vis dans l'amour, pourtant j'en ai trop dans la bite. Et je sais pas pourquoi, dès que je bois un peu, je cuite de la bile. J'ai mal, ça on sait, alors on s'arme pour les concerts. Des ballons de toi, je te le conseille avant que tu comprennes le concept. Négro, t'as trop vécu de tragédie, t'as besoin d'une héroïne érotique qui te verra pas comme un mutant du docteur Guéro. Là, j'ai sûrement touché une zone sensible. Laisse-moi tranquille avec mon Pajero, faut pas exagérer, négro. Sinon, c'est mes crocs qui serviront d'ustensiles, eh, petit flicaillon. Tu peux ranger tes bracelets, j'suis pas simple et couillon. J'compte bien garder mes lacets. Ça me fait connerie, tous ces petits cheateux qui s'affirment fièrement de foutre le spell. Rien à foutre, ta vie de merde, roule plutôt un spliff de bœuf. Tu voulais la vie d'Al Capone, t'aurais sûrement dû prendre tes couilles avant de prendre des coups. Quand t'es trop cool, c'est sûr que tu prends tout dans le pool, poteau. En temps de guerre, tu sais comment ça se déroule. Ça vient d'Aubert, allez, tiens, petit coléreux pour faire sauter le verrou. Même en pleine déroute, on garde les pieds sur terre. Le HIP n'a chopé personne, mon frère. En temps de guerre, tu sais comment ça se déroule. Ça vient d'Aubert, allez, tiens, petit coléreux pour faire sauter le verrou. Même en pleine déroute, on garde les pieds sur terre. Le HIP n'a chopé personne, mon frère. Personne, mon frère, quand je pose mon coupé dans l'esprit qui l'interpelle. Mes négros dispatchés dans les mauvaises ondes. Négatifs sont les pensées de certains. Pense qu'à charcuter dans un esprit de bourreau, de charcutier. Moi, je suis qu'un passionné. Je pense que personne choisit son amour pour le fric. Encore moins sa haine contre les keufs. D'emblée, dans cette France, on t'impose une vie en détresse. Et c'est dans l'émotion alcoolisée qu'on déstresse. Parfois, on s'agresse avec des regrets. Le regard devant la glace. Putain, petit frère, ta vie en est fraîche comme celle derrière la vitrine. Alors, écoute ton prof. Même si c'est pas ta Seine-Saint-Denis qui t'enseigne. Ouais, c'est le capteur douleur qui une fois de plus s'interroge sur sa colère et son patriotisme. Dans mon égoïsme caractériel, j'ai jamais vu le Christ. Dans mon autisme incertain, je combats mon pessimisme. Pourtant trop de fils de pute me rappellent qu'au bout du tunnel, y'a le précipice. Dans mon district, ça marche à la loi du talion. On se tape, on cuite en boîte. Putain, faut que j'enlève ce voile qui rend ma vie maussade. Pourtant avec le temps, je sais qu'on se fera les dents sur cette tarlouse qui veulent boycott la grosse équipe. Tous ces susceptibles qui sucent que des bites. Le petit couplet pour chaque outil, vu qu'il faut se rendre utile. C'est tendé mes mauvais p, t'as dû t'en douter. Ça vient d'Aubervilliers. En temps de guerre, tu sais comment ça se déroule. Ça vient d'Aubert, allez tiens, petit coléreux pour faire sauter le verrou. Même en pleine déroute, on garde les pieds sur terre. Le HIP n'a chopé personne, mon frère. En temps de guerre, tu sais comment ça se déroule. Ça vient d'Aubert, allez tiens, petit coléreux pour faire sauter le verrou. Même en pleine déroute, on garde les pieds sur terre. Le HIP n'a chopé personne, mon frère. Yeah.